Dica Burger. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. À la claire fontaine, m'en allant promener. Ah. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.

sokango na ya e bien ndé na wa namba ndé njamu na kwa na esoka pe ya bien mu dimwese tona bonda yo no bobe bonda etilanga bobe nyolanje na beno o bazontane olanga ye bien ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo so besoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na kibu ombate bane besoka na besoka senga peso yinsu na ndombi Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back. Moi ça sonne mon âme. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. We'll be right back. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Attention là, je dirais éliminé. Les débuts ne dorment jamais. Let's

la bo mukuta e wolo e wolo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.